Le comité de suivi du projet minier canadien de Malartic est dissous depuis la semaine dernière. Le groupe avait été créé l'an dernier par l'entreprise Osisko. Selon les recommandations du Bureau d'audience publique sur l'environnement, il avait comme rôle d'être le lien entre l'entreprise, la municipalité et les citoyens. Il devait assurer les échanges sur l'évolution des travaux du projet de mine à ciel ouvert. Selon la représentante des citoyens, Joanne Bilodeau, le comité avait de la difficulté à recruter des membres. Je suis convaincue qu'avec le temps, on aurait fini par avoir encore plus de gens. Parce que vous savez, l'intérêt là est là. C'est pas parce que l'intérêt n'est pas là. On veut être au courant de tout ce qui se passe au niveau de Osisko. On veut avoir les vraies réponses. Puis, je ne pense pas, moi, que les gens là soient indifférents à ce comité-là.